les Vosges, samedi. Ça lui dit à Hélène Ingret, qui vous livre ses bons plans vosgiens. Ça vous dira aussi à vous, auditeurs des Vosges, samedi, le samedi sur Radio Caraïbes Nancy, 90.7 FM, sur les Grands Nancy, et de 13h à 13h30, et lors de la rediffusion, le dimanche à 6h. Et sur Radio Gemozo, le samedi à 8h30, au 107 FM sur les Grands Remiremont. Oui, alors donc les radios, bonjour auditrices et auditeurs des Vosges samedi. Les radios, c'est toujours très bon, hein, à savoir effectivement Radio Caraïbes Nancy 90.7 sur le Grand Grand Nancy et puis effectivement 107 FM sur le Grand Remiremont pour Radio Gemozo. Toujours le bon créneau, effectivement, le samedi matin sur Radio Gemozo. Comme c'est une émission à présent d'une heure, donc c'est de 8h à 9h sur Radio Gemozo. En revanche, sur RCN, donc c'est l'émission qui passe dans le cadre du cycle Un œil dans le local, troisième semaine du mois. Première diffusion le mardi à 18h, de 18h à 19h. Rediffusion le jeudi à 6h, et de bonne heure, de bonne humeur. Et rediffusion, troisième rediffusion, toujours cette troisième semaine du mois, le dimanche à 15h. Voilà pour l'actualisation de cette émission que vous allez écouter la première fois en février 2020. Mais comme c'est une émission que j'appelle, dans mon jargon générique, une émission effectivement où j'aborde différents points qui sont valables quelle que soit la période de l'année, voire une émission route secours, parfois il peut y avoir des aléas qui fait qu'effectivement on n'a pas pu enregistrer ou je n'ai pas pu enregistrer, et c'est une émission qui gagne à être rediffusée à d'autres moments de l'année. Alors justement, ce sont des bons plans, ce sont des coups de cœur, et puis bien là je vous ferai aussi une petite partie crado et pas fut-fut. Enfin, voilà, donc aussi des possibilités de vous dépayser pour rien, voire quasiment rien. Quand on est sur le Grand Remiremont, ben c'est rien parce qu'il n'y a pas besoin de faire le trajet Nancy-les-Vosges, hein, vous y êtes. Je vais privilégier, en ce qui concerne effectivement ces informations, l'axe du sillon lorrain directement accessible avec les transports en commun. Dans la foulée des trains et du TER qu'on suppose et qu'on espère qu'il va continuer à être dans le cadre du service public, parce que bien sûr la privatisation aussi est rampante dans ce secteur-là et on essaye de privatiser les gédions. Ils essayent pour faire encore un maximum d'argent au détriment de l'entretien des voies, etc. Ça s'est passé comme ça il y a 30 ans. En Angleterre, ils en sont revenus, mais nous, on a 30 ans de retard et crac, on essaye de faire la même chose juste pour des gains immédiats pour une minorité de personnes. Voilà, donc les bons plans des Vosges samedi, eh bien, c'est après une création d'un groupe lorrain. Hein. Bon, en général, je privilégie aussi les Vosgiens, mais bon, c'est la tisane. C'est un groupe qui fait ses propres créations. Et puis là, il nous propose justement un peu de se mettre au vert, mais se mettre au vert côté alimentaire. Allez, les paniers de la MAP. On va manger les légumes de la MAP. On va manger les légumes de la MAP. On va les manger les légumes de la MAP. On va manger les légumes de la MAP. On va les manger les légumes. On va les manger les légumes. On va manger les légumes de la ma. On va les manger les légumes. On va les manger les légumes. On va manger les légumes de la ma. On va t'en parler des paniers de la map. De ces légumes qu'on emplissait les gens. Dans notre temps de parler, je suis monté à la map. Quant au panier, je suis tombé dedans. Là j'ai vu la maraîchère et ses mains pleines de terre. Elle m'a souri et elle m'a dit: viens goûter mes légumes, j'y ai mis tout mon cœur. Et tu verras, c'est que du bonheur. J'avais cru comprendre ce que c'était que la map. Plein de légumes tombés dans un panier. Mais un jeudi, hey, qu'est-ce que je vois qui dépasse? Ce sont des bouteilles, comment ont-elles poussé? C'est de la chouette chouette qui est brassée à côté. Un élixir de fête à partager. On dit viens la goûter à la fête de la soupe à la pichée. Faut pas que tu la loues. La map, de ce levain qui donne un goût d'antan. D'en entendre parler, oh, je suis monté à la map. Et dans Pétrin, je suis tombé dedans. J'ai vu le boulanger, la gueule enfarinée. Il m'a souri et il m'a dit: il faut du temps, tu vois, pour faire un pain comme ça. C'est la nature qui travaille avec moi. On m'attend parler, oh, des paniers de la map. Jamais j'aurais cru pouvoir y trouver tous ces produits bio, ces producteurs locaux. Fini les parkings des supermarchés. J'ai troqué mon caddie, les légumes trafiqués de l'industrie empoisonné pour un panier d'osier, des voisins, des amis, le goût du miel et de la vie. On va manger les légumes de la map. On va manger les légumes de la map. On va manger les légumes de la map. On va manger les légumes de la map. On va aller manger les légumes. Allez, la tisane, ils continuent à faire la fête à la fin de leur morceau. Et donc, la tisane nous propose d'essayer de manger un peu naturel, pas obligatoire. Des fois, il y a du bio qui s'ignore. Hein. C'est pas parce que vous avez que vous n'avez pas le label bio que ce n'est pas tout à fait naturel. Simplement, pour poser la notion bio sur un produit, il y a toute une charte à respecter, il y a des démarches administratives, tout ça. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est surtout connaître les personnes qui produisent les aliments que vous mangez par rapport à si vous n'avez pas la possibilité de les produire vous-même. Alors, dans cette chanson, ils ont parlé de l'Apiché. Alors, l'Apiché, c'est un jardin, c'est une association donc qui fait un jardin avec beaucoup d'animation. Alors, ça se trouve à côté de Nancy. C'est un peu le pendant, si on veut bien, des jardins en terrasse à Plombières, hein, un peu dans l'esprit. L'Apiché, c'est l'association Nectar, N-E-C-T-A-R, tant qu'à faire, je le fais dans le bon ordre, N-E-C-T-A-R, et c'est une association d'ailleurs qui organise le festival, ou peut-être le seul festival en France, je ne sais pas, qui est sans électricité. Premier dimanche du mois de juillet, donc sur la colline de Mousson, au-dessus de Pont-à-Mousson, Et donc, c'est un festival avec une quarantaine de, d'artistes sur toute la journée, puisque comme c'est sans électricité, il peut y avoir plusieurs scènes sur le même site. C'est un ancien château, genre château fort, mais il ne reste plus que les murs d'enceinte. Et c'est à l'intérieur, toute cette, comme deux terrains de foot. Et il y a différentes scènes et chaque prestation n'est pas sonorisée. Donc, la cinquantaine, la centaine de personnes qui se trouvent en face d'eux peuvent entendre sans problème et ça ne gêne pas pour les autres personnes à quelques dizaines de mètres plus loin de pouvoir faire leur même, une autre prestation. Donc, vous retenez, la colline enchantée. Enchantée, c'est E-N, plus loin, C-H-A-N-T-E-R. Hein, donc, voilà, puisque c'est aussi de la chanson, entre autres. Et c'est organisé donc par l'association Nectar. Sinon, donc, sur les Vosges, les jardins en terrasse à Plombières, donc jardin en terrasse, Plombières-les-Bains, donc pas très loin donc, de Remiremont. Et jardins en terrasse également font un certain nombre d'animations en plus de cultiver la terre. Alors, deux associations qui, disons, qui sont complémentaires, géographiquement parlant, c'est Oiseau Nature et Flore 54. Alors, Oiseau Nature, on ne se trompe pas, c'est pas parce que il y a le terme oiseau qui ne s'occupe que de oiseaux. Non, il s'occupe d'un certain nombre de toute la faune et la flore sauvage, les écosystèmes. Et c'est une association qui fait beaucoup d'animations. Au fil de l'année, vous avez quasiment tous les dimanches une activité qui est proposée la plupart du temps gratuitement. Bien sûr, gratuit pour les adhérents, sinon, et exceptionnellement, si ce n'est pas gratuit, c'est quelques euros. Et vraiment, ils connaissent leur sujet, quel que soit le domaine dans lequel ils interviennent. Donc, pour en savoir davantage avec Oiseau Nature, ils ont un site qui est effectivement facile à trouver, puisque c'est l'association-oiseau-nature.com. Il y a un bulletin qui s'appelle le Troglo, tout un programme dans le sous-titre, la revue qui aime la vie. Hein. Et vous avez donc la possibilité de les joindre, quel que soit le sujet qui touche, que ce soit si vous rencontrez un animal blessé, ou s'ils sont en relais avec les organismes habilités à soigner ces animaux qui se trouvent dans le Grand Est, sauf dans les Vosges et en Meurthe-et-Moselle. C'est-à-dire qu'il y en a un en Moselle et puis un en Alsace. Et on espère, et ça serait le minimum qui puisse être fait par les pouvoirs publics, qu'il y ait dans chaque département de France un centre habilité à pouvoir soigner ces animaux. Alors, toutes ces interventions, enfin, ce dont je vous parle, c'est vrai, effectivement un résumé de différentes interventions qui ont eu lieu dans les émissions Les Vosges Samedi, que vous pouvez retrouver notamment sur le site de Radio Guémozo, donc GPL, hein, le site. C'est donc Guémozo, c'est alors Radio tout attaché, RADIO GUEMOZOT.EU. Donc vous pouvez retrouver toutes ces émissions des Vosges Samedi avec les interventions de différentes personnes. Également, il y a eu, on parle d'animaux blessés, et bien s'il y en a qui sont blessés, c'est surtout aussi lors des périodes de chasse. Et je ne peux que relater cette action nationale qui était faite au départ uniquement par des associations. Ils étaient déjà plus d'un millier d'associations à se coordonner de façon à pouvoir faire un dépôt de projet de loi pour interdire la chasse le dimanche. Hein. Donc l'action s'appelle le dimanche-sans-SANS. Chasse. Hein. Le dimanche sans chasse. Maintenant, cette action en direction, en soutien des associations, est relayée aussi par une pétition individuelle. Mais c'est essentiel de pouvoir accentué, hein, même si on écoutera cette émission déjà à un moment où il n'y a plus la chasse. Mais si on veut qu'il y ait ce projet de loi, et on ne désespère pas parce que c'est pas avec l'actuel président qui a remis en piste, qui a fait des dons faramineux à la société de chasse avec le permis à chasse pour, dans certains départements maintenant, il est gratuit, hein, Meurthe-et-Moselle, il est gratuit. Bon, comme ça, si vous voulez détenir une arme, eh ben, vous vous inscrivez dans une société de chasse, comme ça, vous êtes autorisé à avoir une arme. Et Macron a divisé par deux le prix du permis de chasse. Et donc, d'autres sociétés abondent aussi pour ce permis, pour qu'il soit gratuit, de façon à un tout petit peu rajeunir quand même le nombre de chasseurs, puisque le nombre de chasseurs est passé quand même en dessous du million de personnes, et ce sont quand même beaucoup de vieillissants pour renouveler le cheptel. Et donc on aguiche comme ça la jeunesse, et on leur dit surtout, vous êtes les premiers écologistes de France. Donc toutes ces informations, vous pouvez les retrouver notamment dans les émissions des Vos Samedi de l'automne 2019, hein, et également donc des tas d'informations. Je redis à nouveau le titre du bouquin qui est vraiment excellent pour ce sujet-là. C'est de Pierre Rigaud, R-I-G-A-U-X. Pas de fusil dans la nature, la réponse aux chasseurs, avec une préface de Nicolas Hulot, et c'est aux éditions donc Humaine Science. Et c'est vraiment intéressant puisqu'il a fait un travail de recherche en s'appuyant, c'est ça qui est encore plus intéressant, en s'appuyant notamment sur les revues de chasseurs. Et c'est vraiment, ce sont des réponses pertinentes qui sont faites, hein, et qui justement déconstruit complètement toute la daube qu'on veut nous faire prendre pour des vessies pour des lanternes, en disant qu'effectivement la chasse sert à réguler, la chasse ci, la chasse ça, au niveau de la nature, non. Alors, premier marchepied ou le pas dans la porte pour qu'elle soit entrouverte déjà, le dimanche sans chasse, en sachant, ce sont des exercices d'élocution, en sachant qu'un certain nombre de chasseurs sont tout à fait OK pour que le dimanche ne soit pas chassé. Non. récemment, j'étais sur un secteur où ils avaient apposé, donc sur le petit parking qui dessert ensuite les sentiers de grande randonnée, il y avait un panneau pour expliquer les différents chalets, tout ça, enfin, ce qui est sur ce secteur, fort sympathique au demeurant. Et puis, il y avait la société de chasse locale qui avait dit, ben voilà, la chasse, donc la société chasse vous allez chercher l'erreur. Le samedi, le dimanche, ainsi que les jours fériés et le Noël et Nouvel An. Voilà. Donc, tous les jours, il ne vous faudrait pas chasser parce que c'est là où les gens, ou en famille ou seuls, peuvent un peu parcourir la nature. Et c'est là où, effectivement, vous risquez de perdre, d'avoir une balle perdue ou au minimum de vous faire... agonir par les personnes qui s'annexent la nature. Donc, c'est vraiment important de se dire que la nature, déjà, eh ben, on va déjà la partager, hein, et puis avoir un jour de nature tranquille, et notamment le dimanche, ça serait quand même pas trop demandé, et faire en sorte qu'en France, on ne soit pas une fois de plus le dernier pays retardataire à prendre des mesures de bon sens. Voilà, c'est dit. Et vous qui appréciez justement la nature, vous pouvez vous et qui appréciez dans le Massif Vosgien, vraiment encore un grand grand merci, je sais pas, la taille du merci dépasserait largement la taille du studio. Eh bien, un grand merci au Club Vosgien, à toutes ces personnes bénévoles, volontaires, on va dire, mais vraiment pour tous ces balisages qui sont faits. C'est vrai que c'est bon, mis à part d'être vraiment... peut-être qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à lire une carte et pas à lire un balisage. Mais franchement, pour se perdre dans les Vosges, je ne dis pas que ce n'est pas possible, hein, mais on s'y retrouve. On se retrouve quand même assez facilement. Et avec les balisages par le Club Vosgien, c'est quelque chose de particulièrement intéressant pour toute personne qui veut découvrir la nature par elle-même. Je vous en parlerai un tout petit peu, d'ailleurs, après une seconde pause musicale. Et pour terminer par rapport justement à ce grand merci que l'on fait au Club Vosgien, eh bien, rien n'empêche pour les personnes qui le peuvent, qui le souhaitent, même s'ils ne participent pas à leurs activités personnellement, de fait, on y participe et on en bénéficie grâce à leur balisage, eh bien, d'adhérer à une des sections locales du Club Vosgien qui se trouve sur les Vosges, mais également en Lorraine. Eh bien, c'est aussi une façon de leur dire un modeste merci, hein, puisque ça entre 18 euros la cotisation avec toutes les informations liées à cette activité. Et c'est vraiment intéressant de pouvoir effectivement se dire que, c'est un juste retour du merci pour tout le travail qui est fait. Alors, je rappelle aussi que si vous avez un peu des petites craintes par rapport à des itinéraires de grandes randonnées, et tout le massif vosgien et toutes les semaines à partir du printemps jusqu'à l'automne, hein, c'est quand même l'hiver mis à part la visite d'Épinal sous les décorations, eh bien il y a ces marches populaires qui sont faites, d'ailleurs souvent avec le Club Vosgien, avec le balisage du Club Vosgien. Donc ces marches populaires sont vraiment particulièrement intéressantes puisque tout le circuit est balisé, vous avez des postes de ravitaillement. Il vous en coûte en général 1 ou 2 euros, c'est simplement l'assurance pour la journée en termes de responsabilité civile, mais vous payez, en plus souvent ils vous offrent en plus avec ça une collation. Il y a toujours différents systèmes différentes distances, hein, y compris il y a certaines marches populaires qui sont accessibles avec des personnes à mobilité réduite ou des personnes qui doivent pousser une poussette par exemple, hein. On retient le principe des marches populaires, hein. C'est en lien avec la Fédération française des sports populaires, hein, FFSP, hein, Fédération française des sports populaires. Donc c'est vraiment intéressant de pouvoir se dire, bah tiens, qu'est-ce qu'on va faire dimanche prochain? Ils annoncent, quel que soit le temps, hein, c'est même agréable aussi, les Vosges sous la pluie, les odeurs sont différentes, etc. Quand on est bien équipé, bien entendu. Eh bien, ayons le réflexe marche populaire si on le souhaite, si on veut randonner à plusieurs en toute sécurité, bien entendu. Et avant cette pause musicale, je refais un grand virage et vous ai parlé de Oiseaux Nature. Eh bien, et je vous ai parlé un peu de Flore 54. La spécificité de Flore 54, c'est d'avoir fédéré plusieurs dizaines, hein, ils en sont, je crois, de l'ordre d'une cinquantaine d'associations. Si bien que quand la préfecture, par rapport à un sujet particulier, elle veut aborder des sujets qui fâchent, plutôt que d'essayer de jeter l'association qui sera, puisqu'ils doivent toujours dire, on a fait de la concertation avec telle association représentante de l'environnement. Je ne vais pas faire un parallèle avec l'aspect syndical, plutôt que de jeter l'association qui aurait les chaînes souples, eh bien, ils ont en face d'eux un collectif d'associations. C'est-à-dire que c'est vraiment, ça a été d'une intelligence. Je pense qu'il fallait vraiment aussi pouvoir convaincre, discuter, que chaque association qui adhère à ce collectif, à cette fédération, s'y retrouve aussi. Hein. Mais c'est vraiment une force de proposition, pour le coup, hein, parce que c'est pas uniquement on dit non, mais on peut faire autre chose. Hein. Eh bien, et le autre chose est largement possible. Eh bien, Flore 54 a eu cette initiative et cette ténacité de mettre à plusieurs, autour de la même table. Et si bien que les pouvoirs publics, quand ils essayent justement de faire des sujets, de prendre des décisions néfastes pour l'ensemble de la population hormis les quelques-uns qui tireront profit des affaires, eh bien, ils ont en face d'eux une entité, quelqu'un qui représente l'ensemble des parties prenantes. C'est d'ailleurs la force aussi de la fédération de chasse, hein, c'est-à-dire que et le gouvernement, il a en face de lui qu'un seul interlocuteur. Ça, dans le livre « Pas de fusil dans la nature », Pierre Rigaud l'explique très bien. Eh bien, c'est un peu la même chose au niveau écologique. Là, il y a donc un seul interlocuteur qui représente, bien sûr, une cinquantaine d'associations. Hein, c'est pas, je vais pas voir derrière moi, je vais pas voir une oreille qui dépasse. Et cette association, Flore 54, elle a fait quand même des choses, des actions reconnues pour ne citer que celle-ci. Hein. C'est le classement en forêt de protection du massif de haies. La forêt de haies, c'est à côté donc de Nancy, ça touche l'hôpital de Brabois, donc tout le monde, toute la Lorraine connaît l'hôpital de Brabois parce que avec la désertification partielle médicale, ben beaucoup de personnes sont amenées à devoir s'y rendre à certains moments. Eh bien, je vous dis pas les promoteurs, ils avaient les dents qui rayaient le parquet tellement ils saluaient en se disant ah oh là là, si on pouvait faire des opérations immobilières dans ce site boisé qui est juste à côté de l'autoroute, là c'est bien desservi, il suffit de faire une bretelle d'accès, et puis alors là c'est le jackpot assuré. Eh bien, Flore 54 a réussi à faire classer cette forêt de façon à ce qu'elle reste ce poumon vert pour l'agglomération nancéenne. Donc c'est vraiment au même titre que Oiseau Nature, qui j'aime pas trop l'expression, mais pour le coup elle est réelle, qui marque à la culotte le préfet des Vosges, chaque fois qu'il prend une décision. Une décision qui est illégale par rapport à d'autres principes de la Constitution, tribunal administratif. Alors, bien sûr, il ne gagne pas à tous les coups, mais souvent il gagne. Et puis, de toute façon, comme je dis, bataille perdue, c'est celle qu'on ne livre pas. Donc, actuellement, une des batailles, que ce soit pour les deux associations, c'est notamment par rapport aux pesticides et puis à cette pseudo-charte qui est faite ou aucun contrôle, etc. Donc, les associations telles que Flore 54 ou Oiseau Nature savent de quoi ils causent pour dire que là, c'est vraiment du grand n'importe quoi. On se paye de mots et surtout pas d'actes. Donc, puisqu'effectivement, les pesticides, c'est quand même le sujet essentiel. À partir du moment où les sols sont pollués, enfin l'environnement est pollué, ben les bestioles sont de moins en moins bien, voire après n'existent plus. Et nous, on fait partie aussi des bestioles. Donc voilà pour ces aspects associatifs. Donc on retient, entre autres, donc sur les Vosges, Oiseau Nature, hein, des centaines et des centaines d'adhérents dans des domaines différents. Et puis vraiment, il faut un travail de pédagogie. En même temps, ils sont aussi très impliqués. Et puis nous, modestement, on leur dédie ce morceau qui est interprété et créé d'ailleurs par un nouvel artiste. Il est nouveau parce que tout simplement, c'est moi qui, je viens simplement de récupérer sa première, c'est les Bauges dans son CD, mais je pense qu'il a déjà un peu roulé sa botte, tout ça. Et donc, en fait, c'est sur l'autre vallée, c'est la vallée de la Meurthe, hein. Saulcy sur Meurthe, c'est l'autre vallée. C'est Florent Patenotte, et son nom d'artiste, hein, et c'est là où vous pouvez les retrouver sur dans le réseau internet, c'est Flo & Co, j'appelle FLO plus loin N'Co, parce qu'il n'est pas tout seul justement à interpréter. Donc ce morceau, je l'ai intitulé Oiseau, et c'est 4 minutes 35 de bonheur. C'est l'histoire d'un homme perdant l'amitié des hommes. C'est l'histoire de Claude gagnant celle de l'oiseau. C'est l'histoire d'un homme perdant l'amitié des hommes. C'est l'histoire de Claude gagnant celle de l'oiseau. Et toi, mon Claude picolant, as-tu tête sur toutes les mers du Nord, en pensant à la mort, d'avoir passé mes ne serait-ce que 40 ans à héberger ton amour évaporé un beau jour. Un beau jour de printemps est mon clos. Tu sais que l'amitié ça tient chaud même lorsque l'on est un oiseau et mon clos. Tu sais que l'amitié ça tient chaud même lorsque l'on est un oiseau. Sauf les petits gazouillis, c'est peut-être lui ou d'autres que l'on fait, mais c'est peut-être des vrais oiseaux. Donc, je vous ai promis un petit passage crado et pas fut-fut. Et oui, alors, vous savez que, et vous, si vous ne le savez pas, alors ça, c'est vraiment le bon plan, la pépite. Dans les Vosges, surtout côté vosgien, côté alsacien, ce sont des abris, mais souvent, c'est pas complètement fermé. Non, donc, il y a une cheminée, des bancs, mais c'est abrité. Hein, mais le quatrième mur n'existe pas, donc effectivement, vous êtes quand même un peu à l'air libre. Alors que côté vosgien, vous avez des chalets, des abris forestiers qui sont accessibles à tout le monde. Initialement, bien sûr, c'était pour permettre d'accueillir les personnels forestiers, hein, quand ils mangeaient le midi, pour être au moins un peu au chaud et au sec. Et progressivement, il y a toujours cette fonction-là aussi quand même, mais progressivement, c'était une utilisation par les touristes, par les randonneurs, aussi par des personnes qui font parfois la fête. Et ça a été même promu, hein. Je pense notamment à la vallée de la Dolère. Donc la vallée de la Dolère, c'est quand on passe le col de Buisson et le ballon d'Alsace, hein, pour aller vite. C'est une des premières vallées côté alsacien où ils ont, donc la Dolère, c'est le ruisseau, la rivière qui passe en bas de cette vallée. Là, plus loin à Dolère, des Hauts-de-Zeller. Eh bien, plusieurs communes ont eu l'intelligence, enfin disons l'originalité de créer des chalets en fuste, hein, ce sont ces rondins en bois, et de façon à pouvoir accueillir donc les personnes dans un cadre vraiment très joli. Donc là, c'est plus à destination touristique, ouvert à tout le monde, hein, bien entendu. Comme le dit très bien le Club Vosgien, vous les avez pu les monter pleines, vides, elles seront plus légères à la redescente, au retour. Alors, pareil, hein, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête. On ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure, hein, c'est évident. Eh bien, c'est un peu la même chose. Sur 10 000 personnes, vous avez 9 999 qui ramènent leurs déchets. Enfin, voilà, il n'y a rien qui traîne. Et il suffit de 1 sur 10 000. Effectivement, eh bien, tout le monde le voit. Et puis, on pense que c'est la généralité. Non, c'est l'exception. Mais c'est l'exception qui est visible. Donc, un chalet qui avait été nettoyé. Quelques temps plus tard, je reviens. Et je trouve, donc, c'était un chalet qui se trouve dans la vallée de la Haute-Moselle, mais pas très loin de Remiremont. Et je trouve donc tous les reliefs, enfin, le restant d'un repas, d'une restauration rapide à Saint-Étienne-lès-Remiremont, tout à côté de Radio Guémouzo. Donc, pour nos amis, nos auditeurs nancéens, c'est la restauration rapide. Ça commence par un M, et le deuxième mot, c'est par un D. Et le deuxième mot se termine par O. Voilà, pour pas citer. Et donc, était sur une table l'intégralité du repas. L'intégralité, alors bien sûr, ils avaient mangé, mais l'intégralité des boîtes et ça. Alors, il devait y avoir des personnes, ça devait être un couple, parce qu'il y avait des salades, hein, et puis il y avait des boissons non alcoolisées. Mais sinon, il y avait aussi des bières, enfin, parce qu'ils avaient fait un complément ailleurs. Hein. Et donc, il y avait 4 boîtes de frites, 4 boîtes de nuggets, enfin bon, voilà. Tout par 4. Alors, j'arrive sur les lieux, ce que je fais, je trie, hein, ce qui va dans le recyclage papier, ce qui va, gna gna, donc. Et c'est un chalet, pour la petite histoire, qui est géré par la commune. Et donc, et je remets ça après, tout ce qui est plastique, je remets dans des bennes qui correspondent. Sauf qu'en faisant ce tri minutieux, hein, donc j'ai vidé intégralement tous les différents sacs qui étaient là. Eh bien, j'ai retrouvé les coordonnées bancaires de ces braves jeunes personnes, je suppose. Mais peut-être pas obligatoirement jeunes. Mais en fait, voilà, il y avait les coordonnées bancaires. Alors, je n'ai que 2 conseils à donner. Bon, déjà, d'une part, si vous faites ça, vous payez tout en cash, hein, vous ne laissez pas vos coordonnées bancaires, voilà, parce que vous ne laissez pas le ticket de caisse à l'intérieur des paquets. Surtout, si on veut faire des fois des prélèvements empreintes digitales, vous mangez avec des gants plastiques, hein. Vous veillez bien à ce qu'il n'y ait rien qui traîne, parce qu'aussi la salive, tout ça, on peut identifier. Enfin, bon, bref, avec toutes ces mesures-là, ça vous prendra nettement moins de temps et nettement moins d'énergie si tout simplement vous ramenez ce que vous avez pu amener. Voilà. Donc, c'était la rubrique crado et pas fut-fut. Pour la petite histoire, alors maintenant, progressivement, l'ONF déjà le fait, j'appelle de mes voeux, que je ne suis pas la seule à appeler, que lorsque des communes mettent des poubelles à proximité de chalets et marquent surtout « ramenez vos déchets », la première des choses, c'est de ne pas effectivement mettre de poubelles à côté des chalets, puisque ces poubelles n'étant pas relevées régulièrement, en fait, ce sont les animaux sauvages qui retirent les affaires, c'est vraiment, ils peuvent s'intoxiquer, voire pire. Donc, pas de poubelle à côté des chalets, c'est la première des choses. Ensuite, à l'intérieur de chacun des chalets, ce qui serait bien, c'est de marquer là où on peut mettre, parce que tout le monde n'y connaît pas obligatoirement, le site le plus proche, quand on redescend de ce chalet, le site le plus proche où on peut mettre les bouteilles en verre, les bouteilles plastiques, etc. Et puis les ordures, surtout de grâce, sur cette vallée de la Haute-Moselle, qui est magnifique, que les poubelles puissent être accessibles pour mettre des ordures ménagères, puisque maintenant, c'est du chacun pour soi, c'est-à-dire que les poubelles sont cadenassées et c'est contre-productif au possible, puisque dans ces cas-là, les personnes qui ne rentrent pas sur un endroit où ils peuvent les déposer, parfois, en fin de compte, s'ils en ont marre, ils les laissent comme ça. Alors moi, j'ai juste une petite proposition qui n'engage que moi. Pour les remontrances, vous écrivez aux deux radios, à Hélène Ingré. Si vous n'arrivez pas à trouver d'endroits pour mettre vos poubelles, comme c'est une décision des services publics, des communautés de communes et des mairies, via les communautés de communes, vous les déposez tout simplement devant la mairie. Peut-être qu'ils comprendront que des poubelles doivent être accessibles à tous pour pouvoir effectivement évacuer les déchets que l'on trouve soi-même aussi dans la nature, quand on marche. En remerciement la nature, une bouteille plastique qui est ramassée par un randonneur parce qu'elle a échoué dans la nature, c'est toujours ça qu'on ne retrouvera pas à l'intérieur d'un animal dans la mer, etc. Toutes les petites particules. Et si on trouve des choses comme ça, on aimerait bien pouvoir les mettre, quand on redescend dans la vallée, les mettre quelque part et pas se trimballer ça dans le sac à dos avec... Donc, c'est le minimum, c'est que dans ce secteur-là, qui est très touristique, que des poubelles soient accessibles à tous, en plus des informations, des bennes plastiques, verres, etc. Mais déchets X et Y, qu'on puisse les mettre quelque part. Et puis, quand on marche, on se dit « Ah, mais de toute façon, ça va, je fais un petit pipi, je suis la dernière goutte, j'ai un petit rhume, je laisse mon mouchoir en papier, ou... » Oui, peut-être dans un certain nombre d'années. Maintenant, attendons le petit mouchoir en papier. Ça fait de la feutrine et on le voit tout le temps. C'est pas ça qui pollue le plus par rapport à une bouteille plastique. Mais c'est particulièrement cracra. Alors, si vous êtes randonneur, par exemple, vous prenez un petit plastique, ou un sachet, n'importe, vous le remettez dans votre poche, c'est le vôtre à vous. Et puis, si c'est quelque chose de plus conséquent, si on a eu un besoin pressant, si on a eu envie de faire caca, tout simplement, on s'égare un tout petit peu, un peu plus loin que le sentier, et puis on avise plutôt une pierre ou une grosse souche, bien sûr qu'il y a des souches, sinon vous y passez votre week-end et vous n'arrivez toujours pas à la bouger, on fait ce qu'on a à faire et on remet par-dessus ces cailloux, ces grosses souches d'arbres, des choses comme ça, ni vues ni connues, et ça se dégradera progressivement. Mais ce qui est essentiel quand même, c'est comment identifier ces chalets qui existe toutes les communes du Massif Vosgien, côté Vosgien. Donc, je ferai une spéciale, les Vosges, samedi, des chalets côté sud, des chalets quand il fait chaud, où on est assuré de pouvoir être à l'abri. Mais il suffit simplement, vous achetez ou vous consultez une carte, les top 25. C'est les cartes au 25 millième, 1 cm égale 250 mètres. Tout le Massif Vosgien est quadrillé par ces cartes. Donc, au 25 5000e. Vous avez donc les courbes de niveau hein, qui sont faites plus ou moins rapprochées si c'est pentu, hein, puisqu'entre chaque courbe de niveau, c'est un petit trait noir, il y a 50, ça signifie 50 mètres de dénivelé sur le terrain. Et vous avez les chemins balisés où vous retrouvez sur la carte les balisages que vous retrouvez dans la forêt. Et tout simplement, vous avez des petites maisons qui sont dessinées. Si c'est juste le contour qui est dessiné, ça veut dire que c'est un chalet ouvert à tous. Si la petite maison, elle est coloriée à l'intérieur, eh bien ça veut dire que c'est un chalet mais qui est fermé, genre ski club, etc. Et puis refuge. Et vous avez aussi, si vous avez cette petite maison avec un petit prolongement rectangulaire, c'est marqué, c'est une ferme auberge. Voilà, et là vous pouvez vous faire mais des week-ends, des journées où vous faites votre pause dans un chalet ouvert à tous, vous pouvez faire du feu. Bon, il y a même maintenant certains qui ont du bois sec à l'intérieur, faut quand même toujours apporter son allume-feu, mais un peu d'allume-feu, mais voilà, du petit bois, des choses comme ça. Mais vraiment, ça, ce sont des bons plans et ça ne coûte rien. Il y en a certains qui sont vraiment très faciles d'accès. En voiture, au bout de la route goudronnée, où des fois vous avez que quelques centaines de mètres, et sinon vous avez juste des fois 1 ou 2 kilomètres à faire à pied depuis le fond de vallée. Mais là, il faudrait y consacrer au minimum un vos samedi sur le bon plan des chalets. Allez, eh bien, nous, on est avec un groupe très local, c'est les Contribottes qui nous interprètent le branle des vallées. Alors, sur ce fond des Contribottes, eh bien, je vais vous dire un grand merci pour votre attention à cette émission Les Vos Samedis, donc sur deux radios associatives. D'une part, Radio Guémouzeau sur le Grand Remiremont et d'autre part, également Radio Caraïbes Nancy. Si vous aimez ces radios associatives qui vous disent un certain nombre d'informations particulièrement intéressantes, eh bien, sachez qu'elles vivent un tout petit peu de l'air du temps, mais surtout des dons. Donc, quand on fait un don, même quelques dizaines d'euros, vous faites 30 euros, et que si vous payez un peu des impôts, eh bien, c'est 20 euros en moins sur vos impôts. Donc, c'est toujours d'actualité, quelle que soit la période. Un grand merci aussi à Thomas pour cette mise en onde au niveau d'RCN et à l'IA également pour cette mise en onde au niveau d'RGM. Allez, on se quitte avec les Bures à l'heure. Eh oui, les Bures à l'heure, à Bure, voilà, c'est au Bure, hein, l'enfouissement des déchets nucléaires. Et puis, voilà, eh bien, on vous parlait de la map auparavant, eh bien là, c'est Prends ta binette avec les Bures à l'heure. À bientôt dans une prochaine Livre au Chamedi. Si t'aimes pas les supermarchés et toute leur daube congelée, leurs aliments trafiqués, tu te méfies leurs fruits gazés, leurs légumes irradiés. Une seule solution, jardiner gaiement. Prends ta binette, ta rouette et ta serfouette. Descends au jardin dès le grand matin. Prends des grands bols d'air, c'est frais, c'est super, c'est le paradis. En plus c'est gratuit. Descends au jardin, fais tout à la main. Prends de bons outils, c'est vraiment utile. C'est le paradis, plus besoin de produits. La terre, des lobbies agroalimentaires qui n'ont que faire de la terre-mère. Si t'aimes pas la production chimique, qu'avec amour on te fabrique une évolution, jardiner sainement. Prends ta binette. Ta brouette et ta serfouette. Prends ta binette. Ta brouette et ta serfouette. Descends au jardin, si t'es citadin. Apprécie le bonheur, tu mets quelques fleurs. C'est le paradis, en plus c'est gratuit. Descends au jardin, n'attends pas demain, mais y tombe des bottes pour que ça dépote. C'est le paradis, plus besoin de produits. Faut y aller, à toi maintenant de t'y coller. Au jardin, va t'aérer. Ouais, la terre, faut la gratter. Une seule position, jardiner vraiment. Prends ta binette, ta brouette et ta serfouette. Prends ta binette, ta brouette et ta serfouette. Descends au jardin, mais y de l'emprunt. Respecte la terre, aime les petits vers. C'est le paradis, en plus c'est gratuit. Descends au jardin, mais y des crottins. Retrousse tes manches, jardine le dimanche. C'est tardi petit, bon pour l'appétit. Prends ta binette, ta brouette et ta serfouette. Prends ta binette, ta brouette. tabouette et ta serfouette. Une seule solution pour manger sainement. Une seule position. Jardiner vraiment. Une évolution. Il est en chantant. Plus de pollution. Virer les traitements. Une seule solution. Jardiner sainement. Une révolution. Il est en chantant. Prends ta binette. Prends ta binette. Prends ta binette. Prends ta binette. Prends ta binette. Prends ta binette. Prends ta binette. Ta brouette et ta serfouette. Prends ta binette. Prends ta binette. Prends ta binette. Prends ta binette. Prends ta binette. Prends ta binette. Prends ta binette. Ta brouette et puis vas-y. Vas-y. Vas-y. Et lâche ta tablette.